J'ai sali chaque frère, chaque sœur de Jésus-Christ. J'ai sali les frères et les sœurs qui nous suivent Tiamtan. Et également, je les salis dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à notre Dieu pour la journée. C'est bon pour nous de nous retrouver encore aujourd'hui dans la maison de Dieu. Sans plus tarder, nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie strette. T'as quoi pas sous la Takatifu? Nul empire passera, elle sera pour eux seuls. Hakuna mchafu atamwa atapita itakuwa ni yabo peke yabo. Ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer. Bale batifata atabapumbafu abezi kupotea. Sur cette route de lion ni de bête féroce. Mwile njia amtakuya kamwe basimba wala banyama makari. Ne la prendra ni le rencontrera. Bale batifata abatabumbana nabo. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront en Sion avec un chant de triomphe. Batenda msioni na nimbo ya washindaji. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Na fura ya milele itaviko kichwa yabo sawataji. L'allégresse et la joie s'approcheront. Shangwe na fura itakaribia. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Kuria na kugua takimbia. Tombe pungushibo. Prions Dieu nous tous. Mungu Baba, tunakupikia asante mwakati ya magharibi. Dieu le Père, nous te disons merci ce soir. Asante muvilo ne chikia mkusaniko ipate kuyako. Merci parce que tu as accepté que nous puissions nous réunir. Tunakupikia asante sana Seigneur. Nous te disons infiniment merci. Parce que mudunia kuna fwashi muzuri pesa mu nyumba yako. Parce que dans ce monde il y a plus d'autres endroits que ici. Nous te demandons pardon partout où nous avons brisé ta parole. Kama tunakuya Seigneur mu mabiwanja vya hivi. Si nous venons dans de tes endroits. C'est parce que nous avons besoin que tu puisses nous aider, toi Dieu. Regarde-nous à travers le sang de l'agneau. Quand tu nous accordes encore le jour, c'est parce que tu vois qu'il y a encore des imperfections en nous. Et nous croyons que ta parole, c'est elle qui change. Aide-nous ce soir. Tu sais où est-ce que nous n'avons pas bien marché. Toi qui sondes nos cœurs, que tu puisses encore sonder nos cœurs, montre-nous par où nous n'avons pas bien marché, que nous puissions nous préparer, parce que ton retour est imminent. Bénis chaque frère et chaque soeur, mets-nous tous dans le même esprit, que nous puissions écouter ce que l'Esprit veut nous dire aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, que tu puisses régner. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est depuis le mardi que nous étions en train de parler sur ce sujet. La voie que Dieu a frayée pour nous. C'est depuis l'Ancien Testament qu'on parlait sur cette voie dans lesquelles où les croyants doivent marcher pour aller voir Dieu. Et tout homme doit y marcher. croyants. La voie qui conduit les gens à Dieu, ce n'est pas l'église. Bien que mudunia tuko naishi leo, à ta ville, nous vivons dans ces mondes. Shetani anesha kuya mujanja sana. Le diable est devenu très rusé. Naeko mukalamushi sana shetani. Et il est très malin. Eko naacha bantu à l'aise mu makanisa. Il laisse les gens à l'aise dans les églises. Bantu ya kusema ni benye kuokolewa. Pensant qu'ils sont sauvés. Japo abana ta benye kuokolewa. Contrairement, ils ne sont pas sauvés. Ile ni bukalamushi bwa niveau ya yulu sana bwa shetani. C'est la rise la plus élevée du diable. Muntu eko naenda kukanisa. Quelqu'un qui part à l'église. Fwashi ambayo injili ya biakweli iko na ubiriwa. Là où l'évangile véritable est prêché. Eko na shikia shiku yote injili. Il écoute tous les jours l'évangile. Eko na wajia kusema anaokolewa. Il se prétend être sauvé. Japo ashina mwenye kuokolewa. Or, il n'est pas encore sauvé. Na ile ni bukalamushi bubaya sana kwa shetani. Ça, c'est la rise du diable. Iko mzuri Mungu wa mbingu atusaidie. Il est bon que Dieu du ciel puisse nous aider. Kila nduku na kila dada apate kujua état ya nafsi yake. Et chaque frère, chaque sœur puisse reconnaître l'état de son âme. Juu kukosa kujua hali ya nafsi yako. Manquer de reconnaître son état d'âme. Ni kitu kibaya sana mu maisha mwanadamu. C'est la plus mauvaise chose dans la vie des humains. Parce que bantu leo wanawazia kusema makanisa. Parce que les gens aujourd'hui pensent que les églises. Kama nakuya memba wa kanisa. Si les membres dans une église. Kunaisha na ukolewa. C'est fini, il est sauvé. Hapana frère. Non mon frère. Hapana dada. Non ma sœur. Parce que hii njia Mungu alipasula. Parce que la voie que Dieu a frayée. Ni Yesu Kristo. C'est Jésus Christ. Na Yesu Kristo ni neno. Et Jésus Christ c'est la parole. Muntu yote kama anaokolewa. Tout homme quand il est sauvé. Ni maisha njoyo inabadilikaka. C'est la vie qui change. Muntu asiweze kuokolewa kisha abakie paka muntu moya moya. Quelqu'un ne peut pas être sauvé et rester demeurer le même. Non. Kama ilikuwa makanisa njo manjia ya wokovu. Si c'était les églises qui étaient le chemin pour le salut. Ni kusema mtu mkuingia mkanisa tu pa. Cela veut dire en entrant seulement dans l'église, l'homme devait changer automatiquement. Parce que Bible nous atuambia wazi. Parce que la Bible nous dit clairement. Njia ile itapasuliwa ni njia ya butakatifu. La voie qui sera frayée, ça sera une voie sainte. Hakuna kitu hata kimoja cha buchafu kitapita hapo. Rien impur d'un pur peut passer là-bas. Mais mukanisa vitu vya buchafu vyote viko napita. Mais dans l'église tout ce qui est impur peut passer. Mungu apate kubariki. Que Dieu bénisse. Mukanisa mu makanisa yote. Dans des églises partout, dans toutes les églises. Muko ba mwiji. Il y a des voleurs. Muko ba bandi. Il y a des bandits. Il y a des adultères. Il y a des médisants. Il y a des aînés et des méchants. Est-ce que pensez-vous de telles personnes? Ils peuvent marcher sur la voie du salut? Non, mon frère. Parce que la Bible dit. Parce que la Bible dit. Sur cette voie, nul d'impur ne peut passer. Parce que la Bible n'a pas dit. Amuna kitu kya buchafu mpaka tu. Il n'y a rien de ça sauf. Apana. C'est pourquoi butakatifu. Je commande à la sainteté. Ni kanuni munjia ya wokovu. C'est vraiment c'est l'obligation pour dans cette chemin du salut. Butakatifu ni kanuni. La sainteté c'est l'obligation. C'est que kila mtu ule anapenda kutembea mwinjia. Tout celui qui veut marcher sur cette chemin. Anapasha na ye ajikaze aishi butakatifu. Doit s'efforcer pour vivre la sainteté. Parce que mambo ya Mungu amwikalage majende. Parce que dans les choses de Dieu, il y a pas de magie. Mungu alisema neno moya mu Bible. Dieu a dit un mot dans la Bible. Mukaubiri tu. Allez juste prêcher. Bale batashikia boba amini. Ceux qui vont écouter, ils doivent croire. Et il y a des signes qui vont les accompagner. Mwaminifu anashindikizwaka na maalama. Un chrétien est accompagné avec des signes. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Na munjia ya wokovu. Et sur cette voie de salut. Njia yenye kuya Yesu Kristo. Qui est Jésus Christ. Aba ingia kemo mu désordre vile batoko naingia mkanisa. On n'y entre pas en désordre comme nous entrons dans l'église. Apana frère. Non, Nduku. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Fashi ingine Biblia iko nasema. Oh, aim mon endroit la Bible. Ile njia ni njia mwembamba. C'est vraiment étroite. Ni kanjia tellement que mbamba. C'est vraiment étroite. Kale amuingia ke couleur yote yote. Il y a n'importe quelle couleur ne peut entrer. Apana frère. Non, Nduku. Bantu ba mingi banapenda kutembelea mwile njia kufuatana vile bo banapenda. Les gens veulent marcher selon leurs pensées. Mais il y a des exigences que chacun de nous doit suivre. Il y a des choses que l'homme doit accepter d'abandonner. Être libre du marché. Que Dieu vous bénisse. Regardez du temps de la Bible. Lorsque Jésus était sur cette terre, il y a un homme qu'on appelait jeune riche. Cet homme, c'était un religieux comme toi tu l'es. Lui aussi, il était né, il fréquentait les Kodim. Il a grandi aux parents qui étaient religieux. Mais bien qu'il y ait un homme qui à ta ville, c'était un homme religieux. Il a constaté qu'en lui, il y avait quelque chose qui manquait, qui n'a pas ça en lui. Et chaque frère et chaque sœur, ce soir, beaucoup de gens ont déjà fait ces constats. Même bien que les gens ne te connaissent pas, mais l'esprit lui-même est témoin. Et lorsqu'il a fait ces constats, il voulait trouver la chose. Voilà pourquoi il était parti auprès de Jésus. Et lorsqu'il était en contact avec Jésus, écoutez comment il disait à Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie? En écoutant comment les jeunes riches parlaient dans son cœur, il cherchait la vie. Est-ce que on est ensemble? Mais il n'avait pas la vie en lui. À ta ville, il avait déjà fait longtemps dans l'église. Que dois-je faire? Jésus lui dit, tu dois obéir le commandement. Et dit, depuis ma naissance, c'est ma vie, c'est notre vie. Jésus-Christ lui a regardé. La Bible dit, Jésus-Christ lui a aimé. Amen. Tout homme qui est sincère, tu aimes ce genre de personnes. On est ensemble. Lui, il était sincère. Parce que ce qu'il disait à Jésus-Christ, c'était vrai. Et lorsque Jésus-Christ lui a regardé, il a dit, il te manque une chose. C'est la plus grande chose qu'a les gens ce soir. La plupart, quand ils sont en train de venir écouter l'évangile, dans leur cœur, ils ont besoin d'être sauvés. Mais il y a des exigences à suivre pour trouver les salis qui sont en train de chercher. C'est là qu'il y a les problèmes. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. C'est à ce point là où il y a les problèmes. Parce que la vie de l'homme a beaucoup de choses que son cœur aime beaucoup plus. Mais l'homme découvre que l'homme constate qu'il est dans l'église, mais il n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qu'il a besoin. Mais il veut aussi ce que son cœur désire. C'est là où il y a les difficultés. Que Dieu bénisse. Si l'homme n'avait pas besoin de la vie éternelle, il ne pouvait même pas venir à l'église. Ce qui fait que l'homme est tourmenté, Cela veut dire qu'il est à la recherche de ce qui lui manque. Mais l'homme a ses désirs. Mais dans sa vie, il y a des choses qui ont fait ce qui ne s'est pas abandonné pour trouver la vie éternelle qu'il est en train de chercher. Je pense qu'il est constat beaucoup d'entre nous ont déjà fait ce constat. Il a besoin d'être sauvé. Mais il a le comportement qu'il a dans sa vie. Il a échoué d'abandonner ça. À ta ville, il veut être sauvé. Mais ce caractère-là, il ne veut pas aussi abandonner ça. C'est tout un problème. Et c'est vrai. Que Dieu bénisse. Jésus-Christ lui dit, c'est ça le commandement que je te donne. Va vendre tout ce que tu as. L'exigence que je te donne, c'est aller vendre. Donnez-les aux pauvres. Et après, tu viens me suivre. Frère, Ndoukou, où les Kiana, ces jeunes riches, il est venu auprès de Jésus-Christ pour être sauvé. Mais la Bible dit qu'il avait beaucoup de richesses. Il a besoin d'être sauvé. Et il veut aussi l'héritage, la richesse. Maintenant, il s'est retrouvé au milieu. Que j'aille où? Que j'abandonne la richesse? Si j'abandonne la richesse, et mon cœur aussi aime la richesse. Je n'ai pas aussi la vie éternelle. Librement, il a accepté que je puisse me réjouir d'abord. Vous écoutez Ndou. Vous écoutez ma soeur. Vous voyez, dans la vie de beaucoup de gens, beaucoup de gens ne savent pas que dans le monde dans lequel nous vivons, si vous trouvez l'occasion de prendre la décision, il ne faut pas regarder quelque chose de l'autre. Parce que dans la vie des humains, il n'y a rien qui soit très important plus que les salis. Si vous voyez une personne refuser les saluts aujourd'hui pour un quelconque comportement, c'est un insensé. Que Dieu bénisse. Parce que si vous considérez la vie de ces jeunes riches, l'héritage qu'il avait aimé plus que Jésus, il n'a pas fait longtemps parce avec ça. Parce que la Bible dit, la vie de l'homme sur la terre a des limites. Que Dieu bénisse. Toi, tu continues à refuser Jésus pour une vie sale que tu as. Ce que tu dois savoir, Ndoukou. Ce que tu dois savoir, ma soeur. Ta vie, elle est comptée. On est en train de compter ça. Tu ne sais pas quel jour tu vas quitter la terre. L'évangile est prêché. C'est pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas pour mettre ça dans tes notes. Ce n'est pas pour changer seulement les prédicateurs. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être sauvé. Là où un homme peut être sauvé. Et ce temps-là n'est pas là pour tous les jours. Il y a un temps pour ça. La Bible dit, il y a le jour de salut. Il y a aussi d'autres jours qui ne sont pas le jour de salut. Dans notre jour de salut. Comme ce soir, c'est aussi un jour de salut. Il ne faut pas faire l'erreur qu'avaient fait ces jeunes riches. Que Dieu bénisse. Il ne faut pas commettre la même erreur. Parce que tu as regretté, parce que ma chique ya oule moutou. Que tu ajoutes la vie de cet homme. Il est marizika. C'était arrêté. Aripacha koufoua. Il devrait mourir. Nanini rimusaidi. Et qu'est-ce qui lui avait aidé? Ivi Bien que nous sommes assis nous tous ici, frère, que chacun de nous doit savoir qu'en lui il y a la mort. Que Dieu bénisse. J'étais en train de parler avec quelques maçons aujourd'hui. Chaque fois, il m'entend parler, quand je de parler. Si je vais parler du lendemain, j'ai dit, si Dieu me garde, nous allons faire ceci. Et ils m'ont dit, pourquoi tu as l'habitude de citer la mort? Je les ai dit, tout homme au Kunyoloka dans ce monde, il doit savoir qu'il va mourir un jour. Est-ce que tu on est ensemble? Si toi tu fais semblant, on a semblé. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Parce que dans le corps de toi, c'est que de nous avons déjà pris la mort. Tu as la mort en toi. Si l'évangile est prêché, c'est la seule occasion toi, dans ta vie. Amen. C'est l'unique occasion de l'évangile. Maintenant, si vous reniez cet évangile, c'est l'erreur fatale. Quand Jésus-Christ lui a donné les exigences, Frère Branham, anasema, Doug Branham il dit, tout somme belle mouille message. Lisons Maubiri. Abandonnant tout. Kwachiria Bioti. Franam a dit même un paragraphe qui vende. Franam il dit ceci, monotea qui a makumi mbiri na mbiri. Anasema hivi. Il dit, mukusemea Dieu qui jana riche. Il parlait sur ces jeunes riches. Quand il devait abandonner ce qu'il possédait, afin de recevoir la vie éternelle, alors la question était là à la porte, celle de savoir s'il était à mesure de le faire. Frère Branham continue en disant, et cette question na ile swali est placé devant chacun de nous. Et Jésus lui a réellement demandé d'abandonner tout ce qu'il avait. De prendre sa croix et de le suivre. Nous connaissons l'histoire. Il s'en est allé tout triste. Parce qu'il avait de grandes biens. Que Dieu bénisse. Lorsque la question est arrivée pour abandonner la haine, pour abandonner les tiraillements, pour abandonner la médisance, pour abandonner une mauvaise accoutrement, pour abandonner des volets, pour abandonner l'impudicité, c'est là qu'il y avait la difficulté. Et Frère Branham dit, c'est sur ces points là où il y a les problèmes. Même ce soir, c'est sur ces points là où il y a de la difficulté. L'évangile qui est prêché, beaucoup de gens sont en train d'apprécier mais qu'on n'y tape pas. Et ils disent non. Chez nous à l'église tabernacle, nous écoutons l'évangile réel. Parce que frère, ce qui fait que nous sommes ici chaque jour en écoutant l'évangile en ces lieux, c'est parce que nous croyons que l'évangile est vrai. Que Dieu bénisse. Parce, si tu ne crois pas que ce qui est prêché ici c'est la vérité, mais tu es toujours dans cette église, dans ta tête ça ne va pas. Que Dieu bénisse. Parce que si nous avons amis riotés, sachant que ce qui est prêché au Kambo Tabernet ce sont des mensonges, je vais prendre la décision de partir tout de suite. On est ensemble. Nous tous, tous nos amis, ce qui est prêché ici, c'est la vérité. La parole que Dieu nous a envoyée, c'est la vérité. Mais ce qui fait que les gens ne puissent pas arriver à expérimenter Dieu, c'est sur ces problèmes. Que Dieu bénisse. Beaucoup de gens ne veulent pas accepter d'abandonner ce qui leur appartient, d'aller embrasser Jésus-Christ. abandonner tout, prendre Jésus-Christ de leurs mains. C'est là où les gens ont refusé. C'est la vérité. Nous croyons. Que Dieu bénisse. Et cette question est placée devant chacun de nous. Jésus lui a réellement demandé d'abandonner tout ce qu'il a fait. De prendre sa croix et de lui suivre. Et nous connaissons l'histoire. Ensuite, Kisha. Jésus s'est tourné et l'a dit. Combien il serait autant difficile à un riche ni marangap itakuwa kigumu kwa mtajiri d'entrer dans le royaume des cieux ya kuingia mfalme wa mbingu quand un chameau dépasse à travers les trous d'une aiguille na chameau apate kupita pantundu ya shindano. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Vous voyez, munaona 23b 23 kipanda kia pili. Vous voyez, munaona. Nous voulons nous accrocher à tout ce à quoi nous pouvons. Tunapenda kubambana sana bila biote tunaweza. Puis suivre, puis ensuite suivre Jésus. Na mwakati mwa kumfuata tena Yesu. Mais parfois Jésus veut que nous abandonnions tout. Mara ngine Yesu kunapenda tuache bintu biote. Afin que nous ayons tous nos deux mains sur lui. Kusudi tupate kuya na mikono yetu mbili yulu yake. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Ce que Jésus-Christ est qu'on appelle. C'est que Jésus-Christ veut. Toi, tu es bien tout bien, tes frères. Que nous puissions tout abandonner. Imani, frère. La foi, Ndouku. Imani, dada. La foi, ma sœur. Ni décision, mon ami. Ni mipango. Mungu apate kubariki. Que Dieu bénisse. Aina ki décision, watu wanasema, nani naamini, mimi naamini. Ce n'est pas la décision que les gens font. Qui a cru? Frère. Moi, je crois. Ndouku. Mu Biblia kuko ndiko kunasema. Dans la Bible, il y a l'écriture qui dit. Kama mtu atana tafuta kwenda kufanya vita. Si quelqu'un veut aller en guerre. Anapiga kama calcul. Il fait des calculs, se met d'abord. Mungu apate kubariki. Que Dieu bénisse. Sake kama mtu anasema hii ni bia kweli. Si un homme dit que ça c'est la vérité. Je veux croire. Et qu'on a beba mu maisha yake décision. Il prend en lui la décision. Ya kuacha bile biote byenye neno ya Mungu itakatala. D'abandonner tout ce que la parole de Dieu refuse. Ata kama bita mukute nini. Mais peu importe combien ça peut lui coûter. Acha biote tu juu ya nafsi yake. Abandonner juste pour son âme. Mais là au christianisme ya leo. Aujourd'hui le christianisme d'aujourd'hui. Watu wanapenda kutembea. Les gens veulent marcher. Mungu ngambo moya. Dieu d'un côté. Bia dunia ngambo moya. Et la mondanité aussi de l'autre côté. Ça ne va pas marcher. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous kweli. Akuikalaka mu Kristo. Il n'y a jamais eu qu'un chrétien. Na akutakuyaka mu Kristo. Il n'y aura jamais un chrétien. Mukulu moya mu dunia. Il y a un pied dans le monde et l'autre pied dans les choses de Dieu. Akutakuyaka ta moya. Il ne sera jamais là. Que Dieu bénisse. Tunapasha kuacha biote tukunabio. Nous devons tout abandonner. Dieu akumfuata Yesu Kristo. Pour suivre Jésus-Christ. Parce que il est Dieu Mungu alitayarisha. Parce que la voie que Dieu a préparée est vraiment étroite. Muile njia frère. Et sur cette chemin, amweze kupita bintu biote. Rien, il y a pas n'importe quoi ne peut bintu passer. Biote bimu konaona mudunia. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est pour Christ. Je commande à la chrétienté. C'est une autre vie. C'est une vie à part mon que Christ Dieu bénisse. Un chrétien, il vit la vie différente de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il marche sur une autre voie. Il ne peut pas marcher comme les restes. Apana, frère. Non, mon frère. C'est pourquoi la Bible, qu'on je commande à la Bible dit comme la voie elle est étroite, vous devez tout abandonner, yako, tes pensées, kupenda kwako, ta volonté, yako tout ce que ton cœur désire tant, tout yako, ce qui réjouit ton cœur. Kusema, amuna neno ya Mungu. Si tu penses qu'il n'y a pas la parole de Dieu, Abio. Arrête. Mungu apate kubariki. Que Dieu bénisse. Apana kutembea mu christianisme. Tu ne dois pas marcher dans, dans le christianisme. Il y a double face. Na masula mbiri. Apana. Non. Il est le christianisme mubaya. Ça c'est pas le christianisme. Aina christianisme ya Mungu. Ce n'est pas le christianisme. Parce que Satan est tellement mudjanja. Que le diable il est tellement ruseux. Mwile balabala frère. Sur cette voie. Mwile balabala dada. Sur cette voie. Kama mtu anatembelea mu. Si un homme il marche. Njoo ataona Mungu. C'est là qu'il verra Dieu. Mais Satan. Mais le diable. Eko na bujanja Satan. Il est tellement ruseux. Il a laissé les gens étant calmes dans les églises. Pensant qu'ils sont sauvés. Mais réellement, ils ne sont pas sauvés. Parce que quand nous venons, disons que nous sommes sauvés, nous adorons le Dieu vivant, le Dieu véritable. Il n'est pas comme l'idole. Est-ce que tu ne peux pas mourir? On est ensemble. Nous sommes wakati ya Bible. Lisez du temps de la Bible. Parce que si tu n'as pas quoi en faire pour abuser, nous ne sommes pas les premiers à adorer Dieu sur la terre. L'adoration avait commencé depuis longtemps. Il y a ceux qui étaient en train d'adorer les dieux vivants. Il y a ceux qui étaient en train d'adorer les idoles. Mais quand vous considérez partout où ils étaient en train d'adorer le Dieu créateur, il y avait des changements. On est ensemble. Lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, obligatoirement il doit changer. C'est la vérité. Mais comment expliquer mutu siku yote kona kwa kanisa? Namna kan tunaweza kufasilia un homme qui vient chaque jour à l'église. Eko nasema na kuya kuomba Mungu. Il s'est dit venir prier Dieu. Ni Mungu kani ule wewe unaabudu. C'est quel genre de Dieu que toi tu adores? C'est quel Dieu que toi tu pries? Ou l'ego incapable de te changer? Qui est en achinda de kukuba dirisha? C'est quel Dieu? Ce n'est pas Dieu, c'est tabernacle, le maxkan. Que Dieu vous bénisse. Considérez bien. Considérez bien, ma soeur. Si un homme adore le Dieu véritable, il y a des changements. Du temps de la Bible, tous ceux qui étaient en train d'adorer Dieu, il y avait Mabadiliko. Maintenant, ceux qui avaient adoré les statuettes, un statuette n'a pas Léo de oiseau. Le diable a fait maliseux. La plupart des églises sont devenues des idoles. Est-ce que tu ne vas pas mourir? On est ensemble. Angaria, frère. Regardez-nous. Si un homme vient chaque jour au tabernacle, mais il ne change pas, ce tabernacle est devenu pour lui une statuette. Parce que cette église ne peut jamais te changer. Vous voyez? Tu vois maintenant. Tu es un adorateur du Dieu. C'est ta humble devenue ton idole. Quand tu viens au tabernacle, tu te réjouis quand tu viens au tabernacle. Mais le joie, la joie d'un chrétien, c'est être en contact avec Dieu. C'est ça la joie d'un chrétien. Du temps de la Bible, regardez. Du temps d'Élie. Élie de Tisbis. Que Dieu bénisse. Vous connaissez bien l'histoire. Il y a Israël. Israël. Il fut un temps Israël. Ils ont trouvé un méchant roi. Que Dieu bénisse. Parce que dans le monde entier, s'il y avait les gens qui marchaient avec la loi de Dieu, c'était Israël. Mais la Bible appelle ce roi qu'il était méchant. C'était un méchant. Et dans sa méchanceté, il avait brisé la parole de Dieu. Il est allé épouser une femme chez les païens nommée Jézabel. Une méchante femme. Il n'était pas enfant d'Israël. Vous voyez, tout le mariage ça a donné des dégâts dès longtemps. Si ça nous avait rapporté des dégâts dans la Bible, aujourd'hui encore, le mariage à Mouchango va nous amener des dégâts. C'est la vérité. Lorsqu'il est allé épouser une méchante fille païenne, il l'a amené en Israël. Vous allez à l'église catholique, vous allez aller au témoin. Chez les Zambé Malam, tu épouses. Nous avons maintenant beaucoup de sœurs qui ne sont pas chrétiennes dans l'église. Quel genre d'église qu'on aura? Que Dieu bénisse. Lorsqu'il avait fait ça, cette erreur, la cette femme, quand elle est venue en Israël, Israël Doukou, a entraîné Israël, Mujima, Mouidola. A l'ingish à tout Israël, Moukwabou du Sanam. La parole de Dieu. Les gens ne reconnaissaient pas la parole de Dieu. Ce n'était pas seulement Kwabudu Sanam. Le temps de cette femme en Israël. Israël, Israël s'est plongé dans l'immoralité. Que Dieu bénisse. Comme elle était une méchante. Elle s'habille en collant. Si beaucoup de femmes s'habillent maintenant mal, l'église sera détruite. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous quoi? C'est que mon amour qui m'oublie, frère Branham, on a ses mains. Donc Branham dit, elle était vraiment méchante. Arikwana dit, penta ma poudre kumacho. Elle s'est maquillée au visage. Bien kweka. Elle mettait des histoires à la tête. Angaria dada. Regardez Ndoku. Esprit yote ya kweka bintu. Tout esprit de mettre les histoires. Il n'a toqué à quoi Satan. Ne vient que du diable. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Tout ce que les gens mettent, il y a là où ils ont tiré l'inspiration. L'inspiration est venue du diable. Que Dieu bénisse. Quand tout le monde est entré, Mkwabudu Sanamu, oh frère, Onduku, ils sont entrés dans l'immoralité. Ils se sont plongés dans la politique. Le pays était vraiment détruit. Que Dieu bénisse. Pourquoi? À cause de ce méchant roi. Si Dieu vous donne encore le prédicateur, faïdieni de ces temps-là. On est ensemble. Le monde est en train dans le déclin. Il y aura d'autres générations. Vous aurez des prédicateurs qui n'auront pas le temps de prêcher l'évangile véritable. Et quand vous aurez les gens pareils, vous serez étonnés. Dieu vous abandonnera. Et il y a beaucoup de choses qui entrera, vous ne saurez même pas enlever ça. Ce roi-là, comme il était, il a épousé une méchante femme et les choses se sont détériorées en Israël. C'est que nous voulons parler, c'est quoi? En Israël, pourquoi nous voulons confusion? Mais non, il ne reconnaissait pas Dieu était où. Que Dieu bénisse. Maintenant, Dieu a envoyé Élie de Tisbe. Quand Élie a trouvé la confusion, vous connaissez bien l'histoire. Il a dit, le peuple de Dieu ne peut pas demeurer comme ça. Il a posé la question. Pourquoi vous n'avez pas de position? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Allons. Chacun de nous doit adorer. Que Dieu bénisse. Les 450 prophètes à Baal, ils étaient de leur côté. Élie aussi de son côté. Élie leur a dit. Parce que Élie connaissait Dieu. Tout chrétien connaît Dieu. Élie leur a dit. Adorez votre Dieu. Le Dieu qui répondra à travers le feu, c'est celui que nous allons reconnaître comme Dieu. Que Dieu bénisse. Ils ont commencé leur adoration. Ils ont tué leur Dieu. Ils ont coupé. Ils ont étalé. Ils ont commencé à adorer. Lisons l'Écriture. Un roi. Falme en Kwanza. J'aimerais vous lire quelque chose ici. 1 Roi chapitre 18. Wafalme wa Kwanza sura kumi. Ok. Kenda. Tu veux verset 26. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna. Bakabeba matoro ele bapatia. Et les préparèrent. Na bakaita arisha. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Na bakanza kuita jina Baal. Depuis le matin jusqu'au midi. Tangia subui kufika na katikati ya jua. En disant. Mukusema. Baal répondu. Baal utujibie. Mais. Lakini. Il ni voix. Akukutoka ta sauti. Ni réponse. Wala jibu. Mungu apate umbali. Que Dieu bénisse. Mungu wa bongo. Un faux Dieu. ne répond jamais. Faut jamais faire l'erreur de te confier dans l'église. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Et lorsque vous venez en prière, cherche le Dieu qui avait visité les anciens, tu puisses te visiter aussi et ton âme sera sauvée. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer, parce qu'il joue à son fanya michezo. Depuis que tu venais dans l'église, n'amna quand ton le comportement ne change pas. Ou comme farceur. Ou comme fanya michezo. Que Dieu bénisse. Bakanda tangia busubui. Depuis le matin. Paka midi. Jusqu'à midi. Mungu etu anajibuaka. Notre Dieu répond. Mungu etu ekona uwezo ya kubadilisha. Notre Dieu a la puissance de transformer. Si un homme vient avec son cœur, présence de Dieu pour qui nous nous réunissons, il ne veut pas rentrer tel qu'il était venu. Aujourd'hui, à Tamaombi, la prière que les gens font, c'est venu l'accoutumance, l'habitude. Que Dieu bénisse. C'est maintenant l'habitude. La prière ne pouvait pas être comme ça. La personne devait y aller sachant comment est-ce qu'il est en train de partir rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui les gens viennent à la prière tu devais venir pour rencontrer Dieu. Continuons la lecture. Jusqu'au midi. Ou fika na paka midi. Bale réponds-nous. Bale ou tujibu. Il ni i ni voix. Akua tala la miku. Ni réponse. Wala jibu. Et ils sautèrent devant l'hôtel. Baranza kuluka luka mbele ya mazabao. Bale kwa farsera wabandu. Bako wafanya michezo en tout cas. Ils sautèrent devant l'hôtel qu'ils avaient fait. Kuluka luka mbele ya mazabao ya kitunga. À midi. Ou fika midi. Eli se moka de. Na Eli akanza bachikilia. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Et il leur disait, criez haute voix. Moulala mi qui était dans vous. On est ensemble. Frère, un enfant de Dieu Nduku. Même quand il prie, il connaît son Dieu. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas trembler que Dieu va t'écouter, non. Si tu trembles, ce n'est pas mauvais. Mais ne fais pas si Yama trembloté. Parce qu'en trembloté, Dieu va t'écouter. Non. Ce n'est pas sauter. Notre Dieu, tu dois connaître ces dieux-là. On est ensemble. Si tu connais Dieu, tu ne seras pas agité en kuluka luka. On est ensemble. Être préoccupé, agité, sauter, faire des histoires. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant de Dieu, quand il arrive en présence de Dieu, il a la possibilité dans sa vie de connaître là, je suis en présence de Dieu. On est ensemble. Même s'il est en train de prier, tout chrétien véritable, il sent la présence de Dieu. Et quand il est en train de prier, il prie avec foi. Il n'y a rien de, il faut d'expliquer. Toi, si tu dois arriver à ce point-là, dans son cœur, il y a la certitude. Il peut prier longtemps. Il peut abréger. Mais il a la certitude, personne ne peut l'ôter. On est ensemble. Mais regardez ces gens. Ils aiment sauter, faire des gaffes. Il n'y avait pas Mabadiriko. C'est pourquoi chaque frère et chaque soeur, quand vous venez en prière, prie Dieu avec confiance. Il va te répondre. Il ne faut jamais te confier dans l'église. Cette église est comme un chango. Celui qui connaît les enfants de Dieu, c'est seulement Dieu lui-même. La plupart, ce sont les enfants du diable. La majorité n'ira même pas dans l'enlèvement. L'enlèvement que nous attendons, dans cette église, il y a beaucoup qui n'ira pas. C'est la vérité. Nous quelli. Que Dieu bénisse. Kama weye, si toi, ulikuia wokovu, tu étais venu ici pour le salut, il faut umutafute Mungu mupate. Tu dois chercher Dieu et le trouver. C'est la vérité. Nukweli. Angalia sasa Eli. Regardez maintenant Eli. Pala anaona kusema bana échoué. Quand il a constaté qu'ils ont échoué, bana shinda. Mais il a réprouvé. Mais lui a rionesha. Est-ce que tu es pamoja? On est ensemble. Maisha ile wewe uko naishi. La vie que toi tu mènes. Pouf, quel Dieu que tu as rencontré. On est ensemble. Lorsque Eli a prié, Matokeo était là. Le feu est sorti du ciel. Et tout brillait. L'offrande et tout était consumé. Rien n'était resté. Si Dieu agrée ton héritage, il te donnera le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous le Dieu pour qui nous nous réunissons. Aina Mungu mufu. Ce n'est pas un Dieu cadavre. Ni Mungu anashikia kama mtu anaomba. C'est un Dieu qui écoute lorsqu'un homme prie. Kama mtu anakuya na roho ya uasi. Si un homme vient avec la sincérité de son cœur, il doit changer. Maisha yake anapasha kubadilika. Sa vie doit changer. Bale bote ba 450 prophètes. Les 450 prophètes à Baal. Ils étaient en train de prier pour un faux Dieu. Que Dieu bénisse. Parce que tous, ils étaient Mkwabudu Sanamu. Et le temps dans lequel nous vivons, ce qui s'était passé à ce temps-là, ça s'est fait encore aujourd'hui. Les églises aujourd'hui, la plupart des gens ont transformé ça. Ils sont en train de venir dans des églises. Lorsque j'aurai des problèmes, l'église va m'assister. Tu es insensé. Que Dieu bénisse. Nous, nous avons confiance en Dieu. Que Dieu bénisse. Si Dieu m'abandonne, ma vie sera détruite. Un homme peut t'aider aujourd'hui. Et demain, il sera fatigué. On est ensemble. Un homme ne tarde pas à se fatiguer. Un enfant de Dieu véritable. Il se confie uniquement que Jésus-Christ puisse m'aider. Que Jésus-Christ m'aide. C'est ça l'espérance humaine. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Le christianisme aujourd'hui est un homme. Si un homme entre en contact avec Jésus, Dieu doit lui changer. La Bible dit Esaïe. Esaïe chapitre 1. Esaïe sur la Kwanza. La Bible dit. Ok. Mouzou. Verset 18. Moustarak 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Kouyeni na tousa, menasse ma milele. Si vos péchés sont comme la cramoisie, kama zambienu na kwa mokunda, il deviendra blanc comme de la neige. Itakwa moupe kama teruji. S'ils sont rouges comme de la pourpre, kame na kuya mokunda san. Il deviendra comme de la laine. Itakuya samanyonya mupe. Si vous avez de la bonne volonté. Kama muku na kutaka kuzuri. Et si vous êtes docile. Na kama muku wakuti. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Mutakula mavuno mzuri ya inchi. Mais si vous résistez. Lakini kama munakangala. Et si vous êtes rebelle. Na kama muku batomboji. Vous serez dévoré par les glaives. Mutakula kupitia banyama. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Kwani kinyo amile nasema. Mungu apate mbariki. Mukuye kwangu. Venez à moi. Kwa Mungu frère. À Dieu. Hakuna nzambi ne kalaka compliqué. Il y a pas de péché compliqué. Apana. Non. Ataka manzambi ko Dieu. Peu importe comment est vos péchés. Mungu konaita kila ndugu na kila dada. Appelle chaque frère et chaque sœur. Ukuye. Venez. Kama tuko na roho mzuri. Si tu es sincère. Mi Mungu nitakubadilisha. Moi Dieu, je vais te transformer. L'église ne peut pas faire ça. Que Dieu bénisse. C'est lui qui change les gens, ce n'est que Dieu. Pas l'église. Oui, frère. Dieu Nduku. Et la Bible dit, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu leur donne la capacité de vaincre le péché. Parce que la voie que Jésus-Christ a frayée, c'est la voie de la sainteté. Rien d'impur ne peut y entrer. Rien, pas de lion. Pas de bêtes féroces. Il n'y a que des rachetés qui marchera là-bas. Que Dieu bénisse. Il n'y a pas de raccourci. Pour entrer sur cette voie. Il n'y a que la voie préparée par Dieu. Dieu a envoyé sa parole. Si un homme croit à la parole et qu'il est sauvé, il va commencer à marcher sur cette voie. Et les saluts commencent avec la repentance à Koutoubou. On est ensemble. Les saluts commencent par la repentance. Et chaque frère et chaque soeur, il n'y a personne qui peut tricher. Non. La repentance, si un homme se répand sincèrement, il abandonne ses péchés. Si un homme ne se répand pas sincèrement, ses péchés-là ne le quittent pas. On est ensemble. C'est qu'épaissi. Si tu te répands correctement, parce que la repentance est regrettée. Un homme ne peut pas regretter. Puis continuer dans ses cette vie. Non, il ne s'est pas bien repenti. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. C'est une voie de la sainteté. Ce n'est pas une vie suie, ce n'est pas une voie souillée. Jésus-Christ revient Nduku. Jésus revient, ma soeur. Pour aller en sa rencontre. Chaque frère doit marcher sur cette voie. À travers la nouvelle naissance. À travers la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Ces trois choses. Ça doit s'accomplir dans ta vie. Sans cela, tu ne verras, tu ne peux pas voir Dieu. Parce qu'il n'y a pas qu'à Katirisha. Que Dieu bénisse. Il y a un fumbo moi que Jésus-Christ disait quand il était sur la terre. Nous n'avons pas le temps parce que c'est long. Nous pouvons le dire ça même le dimanche. Matthieu sur Akuminambi, verset 1 jusqu'à 14. Jésus-Christ est en train d'expliquer beaucoup de choses là-bas. Et Nduku Branham a parlé beaucoup de choses. Chaque frère, chaque soeur doit suivre la voie que Dieu avait préparée. On est ensemble. Ce n'est pas cette église. La vie de la sainteté, il n'a pas choisi Maïcha. Ça doit être proposé. Ôter tout tuir. Jésus Christ. Il ne peut pas venir prendre l'église souillée. Non. Voyons les choses qui se passent dans ce monde. L'enlèvement peut se faire à tout moment. Est-ce que toi, tu es prêt? Toi, tu es membre au Kambo Tabernacle. Et tu es prêt pour aller dans l'enlèvement? Maintenant, si tu n'es pas prêt, tu attends quoi? Si tu vois que ça ne marche pas, tu n'as qu'à abandonner. Que Dieu bénisse. Si tu vois que moi, si mes jeux, ça n'avance pas, pourquoi tu persévères? Tu dois arrêter. Quitte et rentre dans le monde. Fais tout pour aller faire tout ce que tu veux. Au lieu de rester seulement dans l'église, parce que tu n'iras pas dans l'enlèvement avec cette vie. Tu n'iras pas. Faut pas te consoler. Non. Même si tu mets longtemps dans l'église, même si tu es connu dans l'église, dans l'enlèvement, tu n'iras pas avec une telle vie. Oh prédicateur, il prêche seulement pour condamner les gens. Je ne condamne personne. Que Dieu bénisse. Non. Le temps que nous vivons, c'est dangereux. Chaque frère, chaque soeur, doit nazamiri de son état. Faut pas faire de blagues dans l'âme. Faut pas faire de blagues, Nduku. Parce que les gens pensent que tu es chrétien. Tu peux marcher dans l'église. Les gens pensent que tu es chrétien. Mais toi-même, tu te connais. Que Dieu bénisse. Tu connais ton état. Seul, même quand tu te retrouves dans ta chambre, la nature de ton corps, même ta femme ne connaît pas, même ton mari ne te connaît pas, même tes enfants ne te connaissent pas. Mais seul, tu sais que tu es un méchant. On est ensemble. Maintenant, pourquoi tu gardes encore de tels comportements? Pendant que la grâce est encore là jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? La parole de Dieu pour toi est devenue. Tu t'es habitué à la parole de Dieu. On ne s'habitue jamais à Dieu. C'est la vérité. Parce que chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, tu dois savoir que peut-être ce que tu écoutes, c'est la toute dernière prédication. Qui connaît sa vie? Un homme riche. Un tajiri qui en. Il avait refusé Jésus-Christ. Mais lorsqu'il était parti, il me fâche à ma tête. Bible dit Moulouka Kuminasita. Il est arrivé à un endroit. C'est là qu'il avait bien réfléchi. La mort n'arrête pas la chose. Que Dieu bénisse. Il est vrai, il est ma Bible juste. La Bible dit au séjour des morts, au séjour des morts là-bas, au mort, il a réfléchi. Et toi aussi, si tu blagues, au séjour des morts, là, au séjour des morts, tu vas raisonner maintenant. Que on est ensemble. Dieu ne ment jamais. Parce que Bible la Bible dit là, au séjour des morts, c'est là qu'il avait pensé. Il a vu Abraham. Il a vu le pauvre Lazare. Il s'est souvenu. Il a dit, dans le monde, il y avait les gens. Il a, n'est-ce pas, il a parlé. Il s'est souvenu. Pourquoi il s'est souvenu? Parce qu'il s'est trouvé au mauvais endroit. Et il n'y avait pas moyen de rentrer encore dans le monde. Toi, tu es encore sur la terre. L'évangile, c'est ça Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait avec? Que Dieu bénisse. Frère Branham, le frère Branham nous dit, il est bon que dans ce monde, que tu puisses être accepté d'être égorgé, qu'on puisse te brûler même dans le monde, qu'on puisse te crier même dans l'essence, mais que tu puisses aller te reposer près de Jésus-Christ. Au lieu dans ce monde, que tu puisses mourir bon sans toutefois tomber malade, mais que tu ailles au monde. Si tu fais l'erreur, en gardant ta vie, même si on te conseille pas Shaoui, toi tu n'acceptes pas de conseils. Sache que devant toi il y a la mort. On est ensemble. Et lorsque tu vas quitter ce monde, de l'autre côté, tu vas réfléchir. On est ensemble. Tu vas te souvenir. Mais ça sera trop tard. Lorsque l'évangile est encore prêché, chaque frère, chaque soeur doit prendre une bonne décision. On est ensemble. Chacun ne doit prendre une bonne décision. Mais je ne sais pas d'où excusez-moi. Je ne sais pas Mipango que les gens appellent Mipango, c'est quoi? La plupart des sœurs et des frères qu'on a baptisés, ils n'ont pas pris de décision. Que Dieu bénisse. Pourquoi nous disons? Vous voyez qu'un homme prend Mipango d'abandonner le monde. Ce n'est pas des décisions que nous voyons en Mipango. On est ensemble. Lorsqu'un homme prend des décisions avec Mipango, la parole de Dieu vient pour lui aiser. Que Dieu bénisse. La parole de Dieu sera aisée. Je me rappelle. Lorsque les gens prenaient des décisions, si dans sa maison il y avait des produits hydroquinones, un homme il prend tout et il part jeter. On est ensemble. C'est lui-même qui partait prendre et aller jeter. Mipango, c'est comme ça. Si je parle le mensonge, je parle que le mensonge. Je crois à la parole de Dieu. Je dois refuser le mensonge. Je commence. Si tu veux pas, si tu veux mentir, tu dois savoir. Si tu veux pas, en commençant, tu arrêtes. Si c'est lui à qui tu voulais parler, il va te poser une question. Allez, j'allais te mentir. C'est comme ça la décision Mipango. C'est toi qui prends Mipango. On est ensemble. Même si tu avais tous les copains que tu sortais avec, si tu crois, tu as pris Mipango. Acceptez par amen. Tous ceux qui ont pris la décision à t'écouter, c'est à dire lorsque tu vas quitter, les copains seront derrière toi. Quand ils vont commencer, ils seront curieux de savoir qu'est-ce qui se passe en toi. On est ensemble. Ils vont te suivre. Ils seront près de toi. Comment tu dois leur dire ouvertement. L'adultère entre vous et moi, ça s'est arrêté aujourd'hui. J'ai réussi Jésus-Christ, je crois en lui. N'osez plus jamais me siffler en cours de route. Est-ce que les sœurs ont fait des décisions, mais on est baptisé et rentrer dans l'église, amener encore l'adultère dans l'église? C'est la vérité. Comment expliquer à quelqu'un qu'on a baptisé hier? Nana quand t'as facilité qu'on t'a baptisé hier. Mais demain il rentre encore dans une histoire. Il n'a pas pris mipango. Il est pas tout en état de décision. Les gens, c'est que les gens appellent mipango. Exemple Ingine. Bufano Ingine, je vais donner. Comment un monde en état de décision? Si quelqu'un veut prendre la décision de s'engager dans le mariage, que Dieu bénisse. Comment un monde à chaque moment dans les jeunes fils? Si la personne aime une telle sœur, moule décision y a qui? Moule mipango y a qui dans sa décision? Même s'il n'a jamais payé le vélo dans sa vie. Mais on lui demande $1,500. Frère, moule décision qu'on a eu. Dans la décision qu'il a. Le frère peut faire même 3 ans pour trouver la femme. Il va se priver à te diriger de beaucoup de choses pour que la décision qu'il avait prise ce sont de telles personnes que Dieu cherche. Ce ne sont pas les gens qui suivent seulement le mouvement qui ont cru. Demain, tu es toujours dans ta vie, qu'est-ce que tu as cru? Qu'est-ce que tu as cru? Et pourquoi on t'a baptisé? Tu n'avais rien compris. Tu n'avais pas compris l'importance de croire. Que Dieu bénisse. Si un homme croit, il y a ce qu'il jette. Il y a ce qu'il abandonne. Bien qu'il ait pas qu'aille chiku. Passez ma séjourne. Bien tout ce que tu vas faire, jeter tout ce qui n'est pas correct. Tu dois rejeter. C'est comme ça croire. Mais aujourd'hui, nous baptisons les gens. Ce sont des païens. Ils ne savent même pas pourquoi on appelle les gens à l'hôtel. Nous avons 50 membres, nous avons 70 membres. 70 membres, c'est faux. C'est la vérité. Même si vous refusez, nous croyons. Lisez les Écritures. 70. C'est cité de Kambo. Alors Jésus-Christ est qu'on a Jésus-Christ dit, c'est qu'il était au temps de Noé, au temps de Sodome. 70 comme Nassar va convertir dans cette génération. C'est très récurrent. C'est la vérité. Chaque frère, chaque soeur. Si on doit te chasser de la maison, si on va te répudier au mariage, même si on va te chasser de la maison, si on doit te licencier, je crois. Un chrétien n'a pas peur. Même si on doit me licencier, Dieu va s'occuper de moi. Je ne peux pas faire de travail, trouver l'argent, c'est mal dans les vols. Les gens pensent que je suis un travailleur, mais l'argent que je trouve, ça donne ma vie. Et je m'appelle chrétien, honte à toi. Quel chrétien? Qu'est-ce que tu as crié? Tu es mon affiche. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Tenons-nous debout pour la prière. Miriamini. J'ai cru. Arrêtez de jouer avec les choses de Dieu. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Là où les gens veulent les déloter. Dieu prêchait sans déloter personne. C'est la vérité. Nous allons au ciel. Le ciel de qui? Où les insensés peuvent y aller. Anamini, il croit. Mais il ne sait même pas s'abstenir. Croire, ça s'accompagne avec l'abstinence. On est ensemble. Un chrétien n'est pas insensé. Il y a d'autres histoires qu'on lui dit, si ce n'est pas correct, il refuse immédiatement. Prions Dieu, nous tous.